Section 25 de La Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 25. Les révélations. Monseigneur de Cambie, malgré la petitesse de sa taille, conservait cette prestance majestueuse, cet air de dignité qui ne manquait pas d'imposer à tous ceux qui l'approchaient. Il était enveloppé d'un manteau de voyage violet et coiffé d'un chapeau rond de même couleur, par-dessus lequel on voyait briller ses yeux gris et perçants. À côté de lui marchait d'un pas humble le père Bonaventure, toujours simple, calme et souriant comme autrefois. Un peu de maigreur et une pâleur légère témoignaient seuls des épreuves qu'il avait eues récemment à supporter. « Mon oncle, mon bienfaiteur !» s'écria Léonce hors de lui. « Vous m'êtes donc rendu ?» Et il se jeta dans les bras du prieur en fondant en larmes. Le père Bonaventure, à peine moins ému, lui rendit ses caresses. Et il murmurait avec douceur « Eh quoi, Léonce, tant de tendresse pour un prêtre sacrilège !» Pour un criminel ? Mon oncle, je n'ai jamais cru ces calomnies. Bien qu'elles m'aient déchiré le cœur, je suis sûre que vous n'avez pas eu de peine à vous laver. Enfant, croyez-vous donc que j'accepterais vos marques d'affection si je ne m'en sentais pas digne ? Mais chut, poursuivit-il en désignant l'évêque, nous sommes en présence d'un prince de l'Église. Pendant ce temps, la dame du château, assistée de sœur Magloire, était accourue au-devant de Monseigneur de Cambie. La religieuse se prosterna, tandis que Christine s'inclinait en balbutiant. « Monseigneur, je suis pénétrée de reconnaissance pour l'honneur. » Puis, ne pouvant plus se contenir, elle tomba elle-même à genoux en s'écriant « Oh, Monseigneur, c'est le ciel qui vous envoie mon secours en ce moment. Vous êtes tout-puissant, protégez-moi. » Et ses larmes coulaient en abondance. L'évêque la releva d'un air de bonté. « Que la paix du Seigneur descende sur cette maison, » reprit-il d'un ton grave. « Et vous, mes filles, humiliez-vous seulement devant Dieu. Ceux même qui croient agir en son nom sont des créatures faibles, sujettes à l'erreur. J'en ai fait depuis peu la cruelle expérience. » Puis, se tournant vers le prieur qui s'approchait avec Léonce, il envisagea le jeune homme curieusement. « Cher père, demanda-t-il, est-ce lui ?»« C'est lui, monseigneur. » L'évêque traça une croix sur le front de Léonce. « Que Dieu vous bénisse, mon enfant, dit-il d'un ton affectueux, et chérissez toujours l'homme pur et vénérable dont vous avez reçu les précieuses leçons. Vous n'avez pas voulu venir à moi malgré mon invitation pressante. Je suis venu à vous et j'arrive pour la joie de quelques-uns comme pour la confusion de plusieurs. Et vous aussi, monsieur le baron, poursuivit-il en s'adressant à La Roche-Boisseau qui saluait avec réserve. « Vous ne vous êtes pas trouvé au rendez-vous d'hier à l'abbaye de Frontenac ?»« Une affaire importante me retenait ici, monseigneur. »« Mais vous avez dû voir mon procureur fondé, le vieux Legris. » Monseigneur de Cambie fit un signe de tête. « Il n'importe, répondit-il, vous allez apprendre ce qu'il faut que vous sachiez. » Et c'est encore la Providence qui vous amène aujourd'hui dans cette maison pour assister à un grand acte de justice. » Il s'assit, et tous prirent place autour de lui, excepté sœur Magloire et le chevalier qui se tenaient un peu à l'écart, dans une attitude respectueuse. Léonce et Christine, ne sachant de quoi il s'agissait, arrêtaient tour à tour leurs yeux avec anxiété sur la physionomie paisible du prieur, sur les traits sévères de l'évêque. La Roche-Boisseau, moins patient ou prévoyant quelque événement fâcheux pour lui, ne put se modérer. « Ah ça, monseigneur » demanda-t-il avec son assurance habituelle, « que s'est-il donc passé à Frontenac depuis notre dernière entrevue ? Les choses, ce me semble, ont singulièrement changé de face. Vous paraissiez alors rempli d'horreur pour ces moines odieux qui avaient mis à mort un jeune enfant afin de s'emparer de son héritage. » Vous les écrasiez, de tout le poids de votre colère, vous annonciez hautement que vous alliez réparer toutes les injustices commises, châtiez sans pitié les coupables. Cependant, voici que vous affectez de traiter avec la plus grande faveur le principal auteur de cet horrible assassinat, le religieux dont la dangereuse astuce a perverti, selon toute apparence, le reste de la communauté. Monseigneur de Camby l'interrompit vivement. « Monsieur le baron, dit-il, cessez d'insulter l'homme de bien qui nous écoute et la sainte maison dont il est la gloire et le modèle. Comme vous dites, les choses ont bien changé de face depuis quelques heures. La vérité s'est manifestée par des signes éclatants. Dieu a permis que je reconnusse l'erreur où j'étais tombée par excès de zèle et peut-être même par excès de présomption humaine. Les pères de Frontenac, lorsque je les persécutais, se faisaient martyrs de leur devoir. Le bon prieur, que dans mon aveuglement j'accablais de mes injustes rigueurs, n'avait pas cessé de mériter mon estime et mon admiration. « Ah, je le savais, mon oncle !» murmura Léonce en portant à ses lèvres la main de Bonaventure assis à côté de lui. « Mon révérend père, demanda Christine, me pardonnerez-vous d'avoir cru ?» Le prieur imposa silence à l'une et à l'autre par un geste bienveillant. La Roche-Boisseau reprit avec véhémence. « Monseigneur, monseigneur, on a surpris votre religion, et c'est là sans doute l'œuvre de ce moine artificieux dont la langue a toute la subtilité, tout le venin de la langue du serpent. Mais il ne sera pas si facile de me donner le change. Avant même de savoir par quel tissu de fable ingénieuse on est parvenu à tromper votre pénétration, je déclare que je ne me désisterai pas de mes poursuites contre l'assassin de mon jeune parent. Je ne saurais, comme chef de famille, manquer à ce devoir impérieux et sacré. Le père Bonaventure, de son propre aveu, n'accompagnait-il pas le soir du crime l'individu mystérieux qui aborda Madame Fargeau, la nourrice, dans les jardins de Varinas ? Il faudrait toujours que le prieur fît connaître le misérable et qu'il expliquât. On le connaît maintenant, monsieur le baron, répliqua froidement le prélat. Et qui donc était-il ? Votre oncle, le comte de Varinas, le propre père de l'enfant disparu. La Roche-Boisseau demeurait étourdie comme s'il eût reçu sur la tête un coup de massue. « Vous doutez, reprit Monseigneur de Camby, mais vous ne douterez plus quand vous aurez vu le dernier codicille du comte, codicille qui, d'après l'ordre exprès du testateur, a été lu hier seulement devant le chapitre de Frontenac. Le comte raconte de la manière la plus détaillée comment le soir dont il s'agit, il se glissa dans le jardin de Varinas par une porte dont seul il avait la clé, et comment, sous un prétexte, il parvint à éloigner la nourrice et à se rendre maître de l'enfant. « Encore une fois, monseigneur, on vous trompe, » interrompit le baron. « Un père, eût-il même l'esprit dérangé, comme l'avait peut-être mon oncle de Varinas, aurait-il été assez barbare pour devenir l'assassin de son jeune fils ? Et qui vous dit, monsieur, que l'enfant est péri ? Cet enfant existe. C'est impossible. Il existe, vous dis-je, et la preuve, c'est que nous le connaissons tous. C'est qu'il est devant vous. Comment ? Ce serait le soi-disant neveu du prieur, le soi-disant Léonce, qui va reprendre enfin son nom et son titre véritable de comte de Varinas. Des exclamations de surprise et de joie accueillirent cette révélation inattendue. Léonce, car nous continuerons de lui donner ce nom, s'était levé impétueusement et regardait le prieur comme pour lui demander la confirmation des paroles de l'évêque. Monseigneur ne saurait rien affirmer que de rigoureusement vrai, mon enfant, dit Bonaventure. Voilà le secret que je vous cachais avec tant de soin, tout en vous préparant à votre grandeur présente. Vous ne m'êtes unis par aucun autre lien que celui de notre affection mutuelle. « Et celui-là, mon père, ne se rompra jamais !» s'écria Léonce en se jetant à son cou. Tous les yeux, sauf ceux du baron, étaient humides de larmes. Léonce reçut les félicitations de Christine, du chevalier, de sœur Magloire. Pendant qu'il s'abandonnait à ses douces émotions, Christine se pencha vers le prieur. « Mon père, demanda-t-elle, c'est donc là ce prétendant riche et de grande naissance ?»« Que vous avez repoussé, ma fille !» que vous avez sacrifié à un transport inconsidéré. Il n'est que trop vrai. » Christine se renversa sur son siège et se cacha le visage dans ses mains. La Roche-Boisseau n'avait pas fait un mouvement pour se rapprocher de son jeune parent. Revenu de la stupéfaction que lui avait causée d'abord cette découverte, il reprit avec ironie. « Tout cela est fort touchant, sans doute. Mais on ne s'attend pas à ce que j'accepte sans preuve des assertions aussi romanesques. » Je veux voir clair dans cette parenté nouvelle qui me prive d'un gros héritage. « Les preuves ne vous manqueront pas, monsieur le baron, » répliqua l'évêque. « Elles sont claires et décisives. Le père prieur est porteur de pièces authentiques dont vous avez le droit de prendre connaissance. En effet, Bonaventure déposa sur la table une liasse de papier que La Roche-Boisseau se mit à compulser avec attention, pendant que l'évêque exposait les événements qui établissaient la filiation de Léonce. Nous allons résumer en peu de mots ces événements. Nous savons que le comte de Varinas avait abjuré le protestantisme. Pour ce motif, il s'était brouillé avec son frère cadet, le baron de La Roche-Boisseau, père de celui qui joue un rôle important dans ce récit. Cependant, le comte, en embrassant la religion catholique, n'avait pas cédé à ces calculs purement humains qui déterminent parfois les changements de religion. Sa conversion, ouvrage des moines de Frontenac et en particulier du père Bonaventure, avait été franche et sincère. Bien plus, ses sentiments religieux exaltés par la solitude et la méditation étaient arrivés à ce point qui touche à l'ascétisme, à la mysticité. Atteint d'une maladie de langueur qu'il savait être mortelle, le comte s'était retiré à l'abbaye de Frontenac, et là, il était tombé peu à peu sous la tyrannie d'une idée fixe. L'avenir de son unique enfant, alors âgé de 3 ou 4 ans, le préoccupait sans relâche. Lui mort, la tutelle de cet enfant bien-aimé devait naturellement revenir à son frère La Roche-Boisseau, qui était protestant. Or, La Roche-Boisseau ne profiterait-il pas de son autorité sur son jeune pupille pour le ramener au protestantisme ? Cette pensée obsédait nuit et jour le pauvre malade. Sans doute il pouvait, en nommant un autre tuteur à son fils, le soustraire à l'influence redoutée. Mais le comte, timide à l'excès, s'exagérait le crédit de son frère. Il craignait que La Roche-Boisseau, actif et remuant, ne parvînt à faire casser le testament qui lui retirerait la tutelle de son neveu, ou que même, dans le cas contraire, il ne cherchât pour se venger à détourner secrètement l'enfant du catholicisme. Ces difficultés se heurtaient continuellement dans son cerveau, et le comte imagina, pour les surmonter, un moyen des plus bizarres. Il s'agissait d'enlever son fils, qui se trouvait alors au château de Varinas, et de le faire passer pour mort. La terre de Varinas n'étant pas sujette à la substitution, le comte pouvait la léguer aux moines de Frontenac sous forme de fidéicommis, et elle devait rester à leur garde pour un temps déterminé. Quant au jeune vicomte, il résiderait à l'abbaye sous un nom supposé et passerait pour le proche parent d'un des révérends pères. On l'élèverait soigneusement dans la religion catholique et on lui cacherait son nom et son rang véritable. Ce serait seulement le jour où il aurait atteint l'âge de 20 ans qu'on pourrait lui révéler sa condition, ce qui serait alors sans danger pour lui grâce aux excellents principes qu'il aurait reçus. La première fois que le comte de Varinas s'ouvrit de ce projet à son ami et confident le père Bonaventure, celui-ci s'efforça de lui en démontrer les dangers, les impossibilités même. Le comte parut d'abord se rendre à ses raisonnements, mais bientôt il revint à la charge. Il avait longuement médité sur toutes les éventualités, il avait tout prévu, tout calculé. Il employait tour à tour les représentations et les prières pour faire accepter son plan. L'exaltation fiévreuse de ses idées était telle qu'une résistance trop prolongée pouvait lui être fatale. Cédant à ses instances, Bonaventure finit par consulter le chapitre de l'abbaye sur la proposition du comte, et après bien des hésitations, on convint que l'on essaierait de l'exécuter, sauf à l'abandonner si cette exécution présentait des obstacles insurmontables. Tout réussit au-delà de leurs espérances. Le comte, malgré sa faiblesse, voulut se charger lui-même de la direction de l'entreprise. Il partit secrètement de Frontenac avec le père Bonaventure et 2 domestiques dévoués. Il arriva le soir à la porte du jardin de Varinas, et après avoir écarté la nourrice par un adroit mensonge, il s'empara de son fils, qui, l'ayant reconnu, se laissa emporter sans résistance. Il eut soin d'oublier à terre le chapeau du petit vicomte, et quelques heures plus tard, on poussa la précaution jusqu'à jeter dans le précipice le cadavre d'un enfant qu'on s'était procuré à la ville voisine et qu'on avait revêtu des habits du jeune Varinas. Toutes ces dispositions froidement méditées depuis longtemps devaient avoir pour résultat de désoler la pauvre nourrice, en lui donnant la certitude que son nourrisson avait péri. Mais de quel poids pouvaient être les larmes d'une simple paysanne quand il s'agissait, dans les idées de ce pauvre père égaré, de l'avenir et du salut éternel de l'héritier des Varinas. D'ailleurs, Marguerite Fargeau avait été recommandée au père Bonaventure, et en compensation de ses angoisses, elle et les siens devaient être l'objet d'une constante protection. Grâce à tant de prévoyance, personne n'eut soupçon de la vérité. La justice elle-même demeura convaincue que le jeune vicomte était tombé accidentellement dans le gouffre voisin du château. Alors le comte, qui sentait sa fin prochaine, ne songea plus qu'à terminer son œuvre. Craignant que plus tard on ne contestât à son fils le nom et le titre auxquels il avait droit, Varinas prit les précautions les plus minutieuses afin de rendre tout doute impossible. Il fit dresser en triple expédition un procès-verbal de l'enlèvement opéré par lui-même. Deux copies furent déposées chez des notaires différents et la troisième fut conservée dans le Chartrier de Frontenac. Chacune fut signée de lui, des deux notaires et des six pères principaux du couvent, en y comptant l'abbé et le prieur. Puis, il prépara les deux testaments, dont l'un devait être ouvert à l'époque de son décès, l'autre le jour où son fils aurait 20 ans révolus. Enfin, le comte exigea des pères qui avaient connaissance de son secret un serment solennel par lequel il s'engageait à ne point révéler jusqu'à l'expiration du délai spécifié le nom et le rang de leur pupille. Ces mesures prises, il mourut tranquillement, sûr que ses volontés seraient de tout point accompli. Nous savons, en effet, avec quelle scrupuleuse exactitude les moines de Frontenac, sous l'influence du prieur, avaient gardé leur serment. Ils s'étaient laissés outrager, persécuter plutôt que de trahir le secret du comte défunt. Mais depuis la veille, le délai prescrit était expiré. Le testament avait été ouvert et la vérité ne devait plus être un mystère pour personne. Tel fut donc le récit de l'évêque. Léonce, en l'écoutant, avait donné des signes nombreux d'attendrissement. Monseigneur de Camby lui dit en terminant « Vous voyez, mon cher fils, ce que votre éducation pieuse et solide a coûté de sacrifices à votre père, à vos amis. Ne laissez pas étouffer le bon grain dans votre âme généreuse, et que la brillante existence qui vous attend ne vous fasse pas oublier la simplicité modeste de votre première jeunesse. Surtout, ne cessez pas de chérir vos bienfaiteurs de Frontenac, et en particulier le digne prieur qui a pris tant soin de votre enfance. » Ah, monseigneur, interrompit Léonce transporté, mon malheureux père lui-même, s'il vivait encore, pourrait être jaloux du respect, de la reconnaissance, de l'affection sans borne que j'éprouve pour cet incomparable ami. Et il pressa de nouveau dans ses bras le bon prieur qui avait les yeux pleins de larmes. J'ai donc seul été coupable dans tout cela, reprit l'évêque. Moi, qui ai pu croire un moment que des religieux paisibles, renommés pour leur sagesse et leur piété, avaient commis un crime abominable. Dès les premiers jours, en voyant avec quelle simple et touchante résignation ils supportaient les mauvais traitements, j'eus des doutes sur la légitimité de ces rigueurs. Plus tard, quand M. de Varinas tenta de faire évader de l'abbaye son oncle prétendu qui s'y refusa, ses doutes devinrent plus marqués. Mais ce n'est qu'hier, à l'ouverture du testament du feu comte, que j'ai réellement compris la grandeur de mes torts. Aussi n'ai-je pas hésité à les reconnaître en présence de tout le chapitre assemblé, et j'en ai demandé pardon à l'excellent prieur, comme je le fais encore en ce moment. Monseigneur, interrompit le père Bonaventure avec humilité, pouvez-vous vous abaisser ainsi? Les apparences étaient contre nous, et vous nous avez traités avec indulgence si l'on considère l'énormité du crime dont on nous accusait. Mais je n'aurais pas dû juger sur de simples apparences, dit le prélat d'un ton rigide. Le scandale que j'ai provoqué sera désormais le regret de ma vie. Quoi qu'il en soit, j'ai voulu réparer mes erreurs. Et malgré la saison défavorable, malgré les dangers du voyage, j'ai souhaité moi-même d'accompagner Bonaventure dans cette maison où le scandale a produit tant de ravages. Bien que nulle part, peut-être, le nom des pères de Frontenac ne fût en droit d'être plus honoré. Pendant cette conversation, le baron s'était montré tour à tour distrait et attentif. Néanmoins, il n'avait pas manqué d'examiner les pièces apportées par le prieur, comme s'il eût cherché un prétexte à contestation qu'il ne trouvait pas. « Allons, » dit-il enfin en repoussant les papiers avec un air de philosophie joviale. « Mon comté s'en va décidément à tous les diables. Mais il n'importe, je suis toujours la Roche-Boisseau et c'est encore quelque chose. Cher petit cousin, poursuivit-il ironiquement, recevez mes félicitations. Morbleu, Tout à l'heure, quand je vous admettais à l'honneur de vous couper la gorge avec moi, je ne songeais guère que l'honneur fût si bien partagé. « Un duel, Léonce, » dit le prieur. « Est-ce donc là ce que vous m'aviez promis ?»« Pardonnez-moi, mon père, je comprends maintenant pourquoi vous me recommandiez si chaleureusement d'éviter toute querelle avec M. de la Roche-Boisseau. » Mais, ajouta-t-il aussitôt, il ne tiendra pas à moi que je ne vive désormais avec M. le baron dans la meilleure intelligence, comme il convient entre parents aussi proches, et pour gage, je lui offre ma main. » Le baron haussa les épaules. « Cela vous brouillerait avec vos amis, » reprit-il en ricanant. « La main d'un hérétique pestiféré pourrait vous communiquer la contagion que votre père craignait tant pour vous. Il vaut mieux que nous vivions chacun de notre côté. Gloire et prospérité au nouveau comte de Varinas. Quant à moi, grâce à l'heureux coup de carabine que j'ai tiré hier soir, je n'aurai rien à lui envier. « Ah ! Vous avez raison, » s'écria Léonce. « J'échangerai volontiers ma fortune et mon titre contre... »« De quoi s'agit-il donc ?» demanda Bonaventure avec étonnement. Léonce lui apprit en peu de mots comment La Roche-Boisseau avait tué la bête du Gévaudan. Cette nouvelle consterna le prieur et l'évêque lui-même, qui connaissait le projet favori des pères de Frontenac. Cependant, après avoir réfléchi, Monseigneur de Cambis reprit avec fermeté. Ce mariage ne saurait s'accomplir et l'Église ne consentira jamais à le consacrer. Mademoiselle de Barjac, bonne catholique, ne saurait épouser un protestant. Le vœu indiscret qu'elle a prononcé est nul de plein droit. Voilà bien de vos subtilités, Bonacal, s'écria La Roche-Boisseau avec emportement. On n'a pas prévu le cas. Protestants et catholiques devaient avoir les mêmes privilèges. Et pour preuve, ajouta-t-il en se tournant vers Christine, j'invoque encore une fois la loyauté de Mademoiselle de Barjac. Cette loyauté, je le sais, ne me fera pas défaut. Christine se taisait. Parlez, ma fille, dit Monseigneur de Cambis. Si vous y consentez, on vous relèvera sans peine de ce funeste serment. La malheureuse enfant éprouvait des angoisses inexprimables. Elle répondit enfin : j'appartiens à une famille où la bonne foi, la fidélité à la parole sont de tradition depuis des siècles. Je ne ferai pas un geste, je ne dirai pas un mot pour me soustraire aux conséquences de mon déplorable vœu. Un morne silence accueillit cette détermination. Ainsi, dit enfin La Roche-Boisseau en se frottant les mains, je peux me consoler de bien des mécomptes. Gardez vos titres et vos richesses, cousin Varinas, j'aurai mieux que cela. Et cependant, il me semble que je ne pouvais plus à propos tuer la bête du Gévaudan. Malheureusement, vous ne l'avez pas tué encore, mon cher, dit une voix railleuse derrière lui. Deux personnes venaient de se glisser dans le salon sans être aperçues. L'une était Legris, confident du baron, l'autre, le vieux piqueur de Léonce. La curiosité excitée par l'assertion de Legris, qui venait de parler, empêcha de songer à l'inconvenance d'une intervention aussi brusque. Le baron, le visage pourpre de colère, courut au-devant de son ancien ami. « Que voulez-vous » demanda-t-il à demi-voix. « Osez-vous bien vous présenter ici ?»« C'est qu'avec votre permission, » reprit Legris très haut et sans s'effrayer des gestes menaçants de son patron, « vous n'avez pas tué la bête du Gévaudan. Et je désire empêcher toute méprise, toute démarche précipitée. Comment, monsieur, vous qui m'avez vu hier traverser d'une balle le cœur de cet animal maudit, pouvez-vous mettre en doute ?»« Demandez à ce brave homme, » dit Legris avec assurance. « Eh bien, Denis, » poursuivit-il en s'adressant au veneur qui, sans s'inquiéter beaucoup de tant de personnages éminents, s'était mis à examiner le pied et la tête de loup déposée près de la porte. « Vous seriez-vous trompé ?»« Au contraire, monsieur, » répliqua Denis. « Ce que je soupçonnais est parfaitement exact. Ce pied et cette tête n'ont jamais appartenu à la bête du Gévaudan. » Un cri général accueillit cette décision. On accablait le piqueur de questions et il ne savait à qui répondre. La voix de La Roche-Boisseau domina toutes les autres. « Que signifie cette sotte plaisanterie » demanda-t-il. « Quel est ce rustre qui vient ainsi faire la leçon à un gentilhomme jusque dans le salon d'une dame ?»« Ce n'est pas ici ma place, monsieur le baron, je le sais bien, » répliqua le piqueur. « mais sauf votre respect, je ne dis rien dont je ne sois bien sûr et qui ne concerne ma profession. Le loup, dont voici la dépouille, n'est pas la bête du Gévaudan, mais bien un autre grand vieux loup qui rôdait ces derniers temps dans les bois du voisinage et qu'on appelait le loup noir. Il était très féroce et il a commis beaucoup de méfaits qu'on n'a pas manqué d'attribuer à la bête. Plusieurs fois, j'ai trouvé sa trace dans la forêt et j'ai failli moi-même y être trompé, mais son pied a 2 lignes de moins que celui de la bête. Et M. Léonce, mon maître, peut se souvenir que je lui ai montré la différence des empreintes. « C'est vrai, c'est vrai !» s'écria Léonce. D'ailleurs, maintenant que j'y regarde, je ne vois pas sur la tête de ce loup la marque du coup de baïonnette que lui porta le petit garçon de Chanaleil. Or, cette cicatrice a été remarquée de tous les chasseurs. « Et de plus, dit le gris, moi, que la bête a renversé un certain jour dans le ravin du creux au sanglier, je puis affirmer qu'elle avait un pelage beaucoup plus fauve. « C'est vrai !» dit le chevalier de Magnac. La Roche-Boisseau restait confondue par cette unanimité de témoignage. « Ainsi donc, demanda mademoiselle de Barjac, toute haletante, il y a erreur ou supercherie? Ce n'est pas la bête? Mais alors, la condition imposée n'est pas remplie? Et je suis toujours libre? Pas encore, mademoiselle, interrompit le baron violemment agité. Je maintiens que l'animal dont je présente les restes est bien la fameuse bête du Gévaudan, et pour m'obliger à reconnaître mon erreur, il faudrait des preuves plus positives. Des preuves plus positives? En voulez-vous, monsieur le baron? Demanda Denis d'un air un peu narquois. Eh bien, un animal que je travaille depuis ce matin est enfin détourné. J'ai manœuvré si heureusement qu'il est enfermé à l'heure où je vous parle dans les grandes carrières de Montfichet, en bas de la Monadière. Serré de trop près, il a eu la maladresse de s'engager dans cette espèce de cul-de-sac sans issue. Alors, j'ai laissé Gervais et quelques paysans résolus pour garder l'entrée du défilé et je suis accouru en toute hâte afin de prévenir M. Léonce. Or, cet animal qui se trouve pris comme dans un piège, c'est la seule véritable bête du Gévaudan. « Que dites-vous, Denis ? » s'écria impétueusement Léonce. « Il serait possible ?»« Monsieur, en arrivant ici, j'ai commandé qu'on préparât votre cheval, vos fusils et tout votre équipage. Consentez à me suivre et dans moins d'une demi-heure, je vous aurai mis en présence de la bête. « Partons, partons !» s'écria Léonce. Dieu ne veut pas sans doute que mon bonheur soit incomplet. Ne perdons pas une minute. Si l'animal venait à nous échapper, cela n'est pas à craindre. Mais vous devez vous attendre à une rude bataille. Qu'importe, partons, à cheval, Denis, à cheval. » Léonce s'approcha du prieur et de l'évêque. « Mon père, mon seigneur, dit-il avec exaltation, bénissez-moi, priez pour moi. » Puis, se retournant vers Christine, « Mademoiselle, je remplirai les conditions exigées de celui qui doit vous posséder, ou je mourrai. » Et il s'élança vers la porte que le piqueur venait déjà de franchir. « Courage, Léonce, courage !» s'écria mademoiselle de Barjac, « et que le ciel vous fasse réussir !» Alors, fléchissant sous le poids d'émotions si prolongées, elle tomba évanouie entre les bras de sœur Magloire. Pendant qu'on s'empressait de la secourir, la Roche-Boisseau demeurait morne et rêveur dans un coin du salon, à côté de Legris qui semblait jouir de sa consternation. « De par le diable !» dit enfin le baron en relevant la tête. « Tout le bonheur est pour ce beau muguet aujourd'hui. Mais pourquoi n'essaierais-je pas de profiter de la chance qui se présente ? Je suis chasseur aussi, et non des moins habiles. Mes chevaux et mes gens doivent m'attendre dans la cour. La partie n'est peut-être pas perdue. » Il fit signe à Legris de le suivre. « Laissez-moi, » dit celui-ci brusquement. « Vous m'avez trompé, tout est fini entre nous. »« Ah ah !» dit le baron avec mépris. « Votre père vous aurait-il écrit déjà ma ruine complète et le renversement de mes espérances ?»« Mais venez, vous dis-je, nous nous expliquerons ailleurs. » Croyez-vous donc qu'on vous souffrira dans ce salon quand je n'y serai plus? Voyez de quels yeux le chevalier vous regarde déjà. » Cet argument parut décider Legris, et ils sortirent ensemble. Bientôt, Le prieur et l'évêque se trouvèrent seuls. « Monseigneur, dit le père Bonaventure, ce moment est solennel. Peut-être nos efforts, nos sacrifices pour assurer le bonheur de quelques pauvres créatures de Dieu vont-ils aboutir à une affreuse catastrophe. Léonce le demande. Prions pour lui. » Fin de la section 25. Lue par Christine.